Bad Team versus ces Willy Boy. Dans le rap de cowboy, de bad boy qui te font bad des boys. Sans des bandés, boy. Ça t'a fait plein temps pour le rap, toi-même, tu sais. Bad Team. Bad Team. Ma team vit dans le noir. C'est clair au pétard, au père, tard, au père, car faut du pif, car faut du pif, car. Je rêve de costard, de mener ma vie comme une star. Mes potes et moi rêvons de dollars. Alors le soir, ça tord, ça plie et ça bébarre. Les keufs, l'ami rêve de nous kebab. Mais nous, Adam, on se barre. Fumer des sbars, squatter des bars et dégoter des tasses d'art. 9-5, représente gros. On solde homme, sa dame, c'est dame. Sur le macadam, c'est dame. Sinon, dame, ici trop de drame. Trop de gens calment, trop de gens parlent. Pendant que d'autres égalent et ramassent des dollars. Des attitudes de crevards, rabat et fort, bavard. Quand je sors la barre, ça se barre. Putain, gros, j'en ai marre. J'atteins le PNR à cause du THC. Tout ça a été éphémère, frère, car dans le fond, je suis placé. C'est sur les bases que je me base pour remonter, pleurer sur mon sort. C'est mort, seul je m'en sors. Les taches d'or et de grosses taches tirent gros. Je me dis qu'à pire et Sarko. Ici y'a pas de martyr. Affronter pire nous fait rire. Car notre vengeance sera pire. Oeil pour oeil, dent pour dent. Mais maintenant viens nous salir. On reste fiers comme des corses. Le torse avec les meufs du Crazy Horse. Tout ça en force. 9-5 représente ma team. C'est pour ma team qu'a la haine. Ceux qui sont victimes du système, qui font des rimes sur stem. C'est pour ma team qui arrive en force dans ce rap game. Qui décime si t'as trop la flemme. Ils font des films à la haine. Ou à ma cité va craquer. On en a marre que les flics viennent nous traquer, nous braquer. Alors qu'on était tranquillement posés. Comment ont-ils pu oser? Les commissariats, un jour on va les exploser. Je représente la dream team qui commet des crimes. Qui maîtrise la rime, pas juste pour la frime. Qui combat la famine et le mal à la racine. Comme Mesrine, ouais la maille nous fascine. On vient du 9-5, du fin fond du vexin. Contre la mort, on n'a pas de vaccin. Que des rimes qui te vexent. 95, on rappe comme des dingues. On y classique sans sortir de flingue. Après réflexion, on tient plus en place, on passe à l'action. On se met en condition et on te sort un putain de son. Tellement on a commis délit, on te racontera pas toute notre vie. On veut pas aller direct à la case d'emprise. C'est nous les grands, on nous a rien appris. T'as compris? On représente le Val d'Oise, levez haut les mains. C'est un braquage pour le rap, les pages on les saccage. On a la rage, vas-y rentre dans la cage. Willy Boy et Versus, deux beaux gosses dans le rap. Deux MC qu'on passera pas à la trappe. Deux complices qui poucavent cave app. Deux années qui capitulent app. Willy Boy et Versus, si on baisse notre froc, tu nous suces. 9-5, écoute ça, c'est du 9-5. Je débarque dans le rap, avant que mon vice me rattrape. Que les flics me mettent à la trappe, je rappe sans faire de faute de frappe. 95 représentants, chez nous la rime c'est tentant. Ce qu'on te raconte, c'est pas du vent. Tu nous crois pas, on te casse les deux dents devant. On vit dans l'or, et l'alcool a brûlé. On n'est pas des mentors, juste des têtes brûlées. Le paradis, on sait pas ce que c'est. L'enfer, ouais on connaît. On vient représenter avec nos rimes. En face à face, comme sur un ring. En intro et en impro, on extermine. Notre 95 domine, mais faut pas que tu déprimes. On vient relever le niveau du rap français. Fais voir ce que tu sais faire, mais touche pas dans nos affaires, c'est clair.